t'as pas de vie, viens pas voler la mienne. Ton venin glisse, ta haine s'éteint. Hide a skill, brûle, front léger. Un roc vivant gravé dans l'infini. De vie, mais veulent la vôtre, les ombres vides, des mots qui flottent, chaque venin qui crache sur les vrais ne fait que tuer leur reflet. Moi je vis franc, droit et sincère, mes cicatrices partent dans la lumière. Radez qu'ils trahissent, lourd et précis, un rock sacré que rien ne détruit. Venom fait. Fantômes sombres sans horizon, leur vie recherche prison. Ils s'accrochent aux flammes des autres, mais leurs mots meurent, froid et fausse. Moi je manque dans la vérité, chaque ligne pèse brute et gravée. Râle ce qu'il vit, clair et loyal, un souffle d'acier, un cri brutal. Venom fait. Vampirisés, mais vos chaînes ne font que vous briser. Chaque poison que vous crachez en cachette vous consume, vous met en défaite. Moi je garde ma route claire, chaque vérité forge mes pierres. Raid est-ce qu'il parle, bloc éternel, un souffle brut, un poids réel. Venom fait, the truth survive. Cherchez écho, des mensonges faibles, des mots trop faux. Mais quand le feu nettoie vos chaînes, chaque venin retourne en peine. Moi je suis droit, froid et précis, chaque attaque nourrit mes écrits. Râle ce qu'il marche, franc et vrai, un roc vivant gravé à jamais. Venom fait. Votre haine sur les vrais, mais vos miroirs meurent à jamais. Moi je reste bloc, franc et loyal. Raider skill sacré, un souffle total. Chaque trône tombe, voix s'efface. Chaque venin finit en trace. Des générations suivent sans voir, aveugle, perdu dans le noir. Moi je reste feu, droit et loyal. Chaque vérité devient arsenal. Raider skill vit clair et précis. Un nom sacré dans vos nuits. Venom fait, the truth survive. Vous avez pas de vie, alors vous volez. Mais vos poisons finissent brûlés. Ride a skill vrai, gravé dans l'air. Un feu sacré, une voix sincère.